Nous devons désirer Jésus-Christ, être rassasiés de lui, non des choses qu'il pourrait nous donner. Telle est sa volonté. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Comme nous l'entendrons aujourd'hui, la recherche du Seigneur exige notre empressement. Beaucoup de chrétiens considèrent qu'après avoir terminé leur culte personnel du matin, ils peuvent prendre congé du Seigneur, confiants de lui avoir soumis leur liste de requêtes. D'autres semblent avoir peur de déranger Dieu. Mais Dieu ne se lasse jamais de nous voir rechercher sa présence. Il se plaît en notre compagnie. Lors de cette émission, Charles Stanley nous incitera à examiner notre attitude envers le Seigneur. Dieu est-il un trophée que vous recherchez avec empressement ou avez-vous laissé quelque chose vous distraire dans votre quête? Le moment est bien choisi pour évaluer nos priorités pendant que nous écoutons Charles Stanley nous parler de la recherche du Seigneur. Nous commencerons notre étude avec la lecture du psaume 63. Et pendant que ceux et celles qui ont une Bible à portée de main trouvent ce passage, je vous encourage tous à vous procurer aussi de quoi écrire, car certains aspects de l'enseignement d'aujourd'hui valent certainement la peine d'être notés. Nous sommes en effet assez souvent portés à oublier le sujet du message d'aujourd'hui qui s'intitule « La recherche du Seigneur ». Plusieurs personnes recherchent beaucoup de choses de nos jours, et il n'y a rien de mal à cela. Elles recherchent la satisfaction, un sens à leur vie, l'atteinte d'un objectif, la paix intérieure, le bonheur, l'acceptation et l'amour des autres. Elles désirent une vie bien remplie, et cela est très bien. Elles tentent parfois de satisfaire leurs besoins par la richesse ou par d'autres différents types de plaisirs et de relations. Or, la Bible est catégorique sur ce point. Nous devons avant tout rechercher le Seigneur. Dans le psaume 63, David exprime le désir de son cœur. Lisons les versets 2 à 4. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. » En lisant ces versets, une question pourrait surgir dans la pensée de ceux et celles qui ont reçu personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et dont le cœur est maintenant habité par sa présence. Comment pourrions-nous partir à la recherche de notre Seigneur? N'est-il pas déjà en nous? Pourquoi alors rechercher ce que nous possédons déjà? Cette question en appelle une autre. La Bible nous rappelle et nous commande sans cesse de rechercher le Seigneur. Que veut-elle nous dire? À travers tout l'Ancien Testament, nous trouvons cette exhortation « Recherchez le Seigneur ». On nous demande de rechercher le Seigneur continuellement. Nous devons le rechercher avec joie et nous devons rechercher la face de Dieu. Nous appliquerons tout d'abord ce passage aux croyants, car c'est bien de nous qu'il s'agit, alors que David dit dans le psaume 63, verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Avez-vous déjà passé des périodes dans votre vie spirituelle où vous sembliez incapable de ressentir la présence de Dieu? Vous savez que Dieu est là, en vous, mais vous ne sentez pas sa présence. Vous savez qu'il répond à vos prières, mais vous n'en avez aucune preuve. Vous lisez régulièrement la Bible, mais vous ne voyez que des caractères imprimés sur une page. Vous parlez du Seigneur aux gens autour de vous, mais sans aucune passion. Vous témoignez de votre foi, mais sans aucune puissance. Dans votre marche quotidienne, vous ne ressentez pas la présence de Dieu. Votre pensée vous dit que vous savez qu'il est là, mais vous traversez un temps de sécheresse et de lassitude dans votre vie spirituelle où vous ne pouvez pas ressentir la présence de Dieu. Et si vous tenez à jour un journal personnel, une pratique que j'encourage d'ailleurs souvent pour vous rappeler les détails de votre marche spirituelle avec le Seigneur, vous découvrirez probablement la chose suivante. Ces temps où vous ne ressentez pas la présence de Dieu coïncide curieusement avec des temps où vous avez l'esprit ailleurs. Votre pensée se concentre sur autre chose. et votre attention est surtout attirée par quelque chose ou quelqu'un d'autre. Votre intérêt le plus vif, votre concentration la plus assidue et votre désir le plus profond sont dirigés vers quelque chose ou quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Or, quand dans l'Ancien Testament on parle de rechercher le Seigneur, on fait référence avant tout à Yahweh, Dieu le Père, et Jésus-Christ, Dieu le Fils. J'aimerais expliquer en des termes néo-testamentaires que nous parlons ici du Seigneur Jésus-Christ, car il est celui que nous devons rechercher. Et si vous avez à portée de main du matériel pour écrire et prendre des notes, il est temps de le saisir, car il est très important de comprendre ce que signifie l'expression « rechercher le Seigneur ». Nous devrions savoir pourquoi nous devons rechercher le Seigneur, comment nous devons rechercher le Seigneur et quels résultats nous pouvons attendre d'une telle démarche. Que signifie « rechercher le Seigneur » ? D'un bout à l'autre des Écritures, nous sommes exhortés à le rechercher. Que veulent dire ces paroles? Simplement, que nous devons le désirer. Cela signifie que nous devons aspirer profondément connaître la personne de Jésus-Christ. Cela veut dire que nous devons avoir soif et faim de le connaître, être habité d'un désir tenace de le connaître, être en communion avec lui. Développer une relation proche et intime avec la personne de notre Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir marcher et progresser ensemble dans l'unité. Nous devons alors bien comprendre qu'en recherchant le Seigneur, nous ne devons pas tenter d'obtenir des choses de lui, mais nous devons le rechercher pour lui-même. La nuance est importante. Tant de gens recherchent le Seigneur pour des raisons intéressées. Ils s'approchent du Seigneur avec les deux mains grandes ouvertes. Ils s'approchent de lui, les mains tendues à la recherche de choses qu'il pourrait leur offrir. Et ils espèrent que le Seigneur les laissera approcher de lui avec la même attitude, avec des mains remplies de choses à leur donner. Et tandis que ses mains sont pleines de choses qu'ils veulent, ils s'attendent à pouvoir s'approcher de lui avec leurs mains tendues en disant « Seigneur, tu sais ce que je veux ». Et alors, tout bonnement, il videra ses mains pour remplir les leurs. Ils n'auront qu'à dire « Merci Seigneur » avant de quitter promptement les lieux une fois leur prière exaucée. Si vous avez cette habitude, vous savez très bien comment vous pourriez agir à ce moment. Vous pouvez rechercher ce que le Seigneur peut vous donner tout en étant très peu intéressé par la personne du Seigneur lui-même. Le raisonnement est simple. Nous nous présentons devant le Seigneur et nous lui disons « Seigneur Jésus ». J'ai besoin de ceci et de cela, et j'ai besoin d'un peu plus de cette chose-là. Et nous sommes tellement concentrés sur les choses que nous voulons que nous négligeons complètement la personne à qui nous nous adressons. Nous n'avons de considération pour lui que dans la mesure où il répond rapidement à nos requêtes. Nous le voyons comme la source de nos bénédictions, et nous le considérons comme une ressource par laquelle nos besoins peuvent être satisfaits. C'est tout. Nous ne le voyons pas comme une personne. Or, Dieu veut que nous l'aimions, que nous le recherchions. La Bible nous encourage à rechercher sa face et non ses mains, comme nous l'enseigne le psaume 27 au verset 8. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » La Bible nous commande de rechercher le Seigneur et non pas de rechercher des choses. Peut-être pensez-vous que vous avez besoin de certaines choses. Aussi, je vais vous expliquer comment obtenir tout ce dont vous avez besoin. Tout d'abord, j'aimerais vous prouver que la Bible nous dit bien de ne pas rechercher des choses, mais de rechercher le Seigneur. Nous devons rechercher sa face, car dans son visage, dans ses yeux, vous contemplez la personne du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de rechercher le Seigneur, nous ne parlons pas de nous présenter devant lui dans une attitude de prière, d'exprimer nos requêtes et d'attendre une réponse et un exaucement à nos prières. Non. Nous parlons de deux personnes qui nourrissent une relation intime, qui communient ensemble. Jésus-Christ désire être désiré de nous. Il ne désire pas que nous désirions des choses de lui, mais il veut que nous le désirions, lui. Il veut que nous soyons satisfaits et rassasiés de lui. Il veut que nous soyons heureux avec lui et non pas avec ce qu'il pourrait nous procurer. Je vous propose maintenant 8 raisons pour lesquelles nous devrions rechercher Dieu. Et je vous conseille fortement de les prendre en note, car c'est précisément le genre de choses que nous sommes portés à oublier. Premièrement, nous devrions rechercher le Seigneur parce que Jésus-Christ désire être l'objet de notre affection. Non seulement l'objet de notre affection, mais aussi l'objet de notre amour et l'objet premier de notre attention. Voilà son désir. Il nous a conçus et il nous a créés pour aimer. Chaque homme et chaque femme ont été créés par Dieu pour aimer, et pour aimer d'abord et avant tout le Seigneur Dieu Tout-Puissant, son Fils Jésus-Christ, ainsi que son Saint-Esprit. En plus, nous devons nous aimer les uns les autres d'un point de vue spirituel. Nous avons été créés pour aimer et pour adorer Dieu avant de faire toute autre chose. Nous avons été conçus pour aimer et adorer le Seigneur avant même de le servir. Une vie de service est le résultat et même le débordement d'une vie d'adoration et d'amour. Dieu désire être l'objet de notre affection. Deuxièmement, Dieu désire que nous le recherchions car il désire entrer en communion avec nous. Or, vous voyez, Dieu nous a créés pour communier avec nous et pour exprimer son amour. Or, comment pourra-t-il y arriver si nous nous présentons devant lui seulement quand nous sommes désespérés? « Seigneur, je n'en peux plus » ou « Seigneur, j'ai fait une terrible erreur, je suis désolé, pardonne-moi, je t'en supplie » ou encore « Voici mes besoins, Seigneur, je suis vraiment en mauvaise posture » Nous ne bâtissons pas une relation quand nous nous présentons devant Dieu seulement lorsque nous éprouvons des problèmes. Ce n'est pas ainsi que nous communions avec lui. Ce n'est pas ainsi que nous approfondirons notre relation avec lui. Ce n'est pas ainsi que nous l'aimons. Car alors, nous ne faisons que profiter de sa générosité et à chaque fois que nous avons des problèmes, nous pressons sur le bouton et nous attendons qu'il accourt à notre service. Or, Dieu désire communier avec nous. Il désire nous aimer et devenir notre ami. Il n'est pas seulement notre Sauveur, notre Seigneur, notre Juge, notre Maître et notre Roi. Il est aussi notre ami, et il veut que nous entretenions avec lui une amitié véritable, comme deux amis qui s'aiment et communient ensemble. Troisièmement, nous devons rechercher Dieu car il veut nous apprendre à dépendre de lui. Nous devons comprendre qu'il est notre source. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous appuyer sur lui. Dieu ne désire pas que nous nous présentions devant lui seulement quand nous sommes à la limite du désespoir, acculés au pied du mur. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous apprendre à vivre dans une dépendance totale à lui, à chaque moment de chaque jour de notre vie. Pourquoi? Car il est pleinement capable de répondre à tous nos besoins. Il ne désire pas que nous tentions de satisfaire nos besoins par nous-mêmes, comme je l'ai déjà dit. La porte d'entrée du péché et la racine du péché origine dès que nous décidons de satisfaire nos besoins à notre façon. Voilà comment nous commençons à pécher contre Dieu. Si nous cherchons à satisfaire nos besoins à notre manière, nous désobéirons immanquablement à Dieu. Or, il ne veut pas que nous dépendions de nous-mêmes. Il ne veut pas que nous tentions de répondre à nos besoins par nos propres forces. Il veut lui-même répondre à nos besoins, en son temps et à sa façon. C'est pourquoi Dieu nous dit « Concentre-toi sur moi. Observe ma face, ma contenance. Aime-moi, adore-moi, glorifie-moi, recherche-moi, poursuis-moi, comprends-moi, connais-moi. » et permets-moi d'exprimer qui je suis en toi. Dieu veut que nous le recherchions en tant que personne. Nous constaterons alors qu'il est tout à fait capable de satisfaire tous nos besoins. En plus, il est tout à fait disposé à répondre à nos besoins à n'importe quel moment de la journée. Cependant, si nous cherchons à satisfaire nos besoins d'une autre façon, nous ne pourrons pas le faire et nous tenterons probablement de les satisfaire alors selon la chair. Par conséquent, nous risquons fort de pécher contre Dieu. Le Seigneur nous appelle donc à le rechercher afin que nous puissions apprendre à dépendre de lui. Quatrièmement, Dieu veut que nous le recherchions car il connaît la puissance de la pression du monde. Dieu connaît tout de la pression exercée sur nous par le monde, par exemple. Pouvez-vous imaginer tous les sons que vos oreilles perçoivent ou tous les messages qui pénètrent dans votre pensée à partir du moment où vous vous levez le matin et plus tard quand vous allez au travail? Nous avons tous la responsabilité, dans le cadre de notre travail ou de notre ministère, de penser à ce que nous faisons. Certains d'entre nous doivent exécuter des tâches qui exigent beaucoup de concentration. Dans notre vie au quotidien, nous sommes conscients des tâches que nous devons accomplir. Toutefois, en même temps, en tant que chrétiens, nous devons être constamment conscients de la présence de Jésus-Christ. En effet, pendant que nous accomplissons le travail ou le ministère que Dieu nous a confié, dans notre esprit surgissent des pensées qui nous rendent constamment sensibles à la présence de Jésus-Christ. Ces pensées font surface le temps d'une éclair dans notre tête et nous aident à nous rappeler notre dépendance continue à la personne de Jésus-Christ. De cette façon, nous ne pouvons jamais vraiment être séparés du Seigneur. Si vous êtes croyant et que vous connaissez la signification réelle de la marche selon l'Esprit-Saint, vous savez qu'il restera toujours avec vous. Vous serez sensible à la présence de Dieu dans votre vie de manière ininterrompue, même au moment où vous serez très absorbé par votre travail. Marcher selon l'Esprit, c'est comme travailler en équipe en tout temps, même lorsque vous êtes seul. Le Seigneur reconnaît que, puisque nous sommes soumis de tous côtés à la pression de la société dans laquelle nous vivons, il nous est très difficile de rester concentrés sur lui, car nous sommes soumis à un nombre incalculable de tentations chaque jour. Satan nous harcèle sans cesse avec des trompes de pensées et d'idées de toutes sortes. Et le Seigneur Jésus-Christ sait bien que, si nous ne consacrons pas une partie de notre mode de vie à le rechercher constamment, le courant de ce monde nous entraînera irrémédiablement et nous nous égarerons loin de la voie que le Seigneur a préparée pour nous. Je ne veux pas dire que nous serons perdus, spirituellement parlant, mais notre attention, notre concentration, notre désir et même notre intérêt pour lui s'affaibliront à cause de cette société dans laquelle nous vivons. Car nous devons parfois nager à contre-courant du flot de ce siècle, ce qui exige beaucoup d'énergie. Une des raisons pour lesquelles nous devons rechercher Dieu est que nous devons camper sur nos positions, fermement concentrés sur lui afin de pouvoir continuer à vivre dans l'obéissance. Cinquièmement, nous devons rechercher Dieu, car sans lui, nous demeurerons vides et déçus par la vie. Voyez-vous, le Seigneur sait que si nous recherchons tout autre chose que lui, nous serons ultimement déçus. Si nous cherchons quelqu'un d'autre que lui dans notre vie, le résultat sera en fin de compte décevant. Car nous avons été effectivement créés pour ne pouvoir être vraiment satisfait qu'avec la présence de la personne du Seigneur Jésus-Christ en nous. Si l'argent pouvait nous satisfaire, nous en aurions assez, avec peu. Or, souvent, les gens pensent « il m'en faudrait juste un peu plus ». Et quand ils en ont un peu plus, ils ajoutent « encore un peu plus ». Mais combien de plus leur faut-il? Juste un petit peu plus que ce qu'ils possèdent. Et en fin de compte, les gens qui sont obnubilés par l'argent ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais vraiment en sécurité. Et de quel degré d'acceptation pourront-ils se satisfaire? J'aimerais que plus de gens m'acceptent comme je suis. Et quand seront-ils assez populaires pour être satisfaits? Que demanderont-ils encore juste un peu plus? Quand alors leur réputation, leur renommée et leur gloire atteindront-elles des niveaux acceptables à leurs yeux? Jamais, car aucune de ces choses ne peut vraiment satisfaire. Elles suscitent toujours plus de désirs. Et au moment où les gens pensent enfin avoir atteint le but, que la satisfaction est à leur portée

ils pourront alors rester fermement ancrés dans le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous êtes solidement enracinés en lui et que vous recherchez continuellement sa face, les vents et les marées de la vie peuvent vous ébranler, vous malmener, mais vous ne partirez jamais à la dérive. L'émission d'aujourd'hui nous encourage à rechercher le Seigneur, car à force de le faire, nous deviendrons solidement enracinés en lui. Les vents de l'adversité pourront venir et souffler de toute leur force, mais nous pourrons nous appuyer sur Jésus-Christ pour nous empêcher de dériver. Aujourd'hui, Charles Stanley nous a rappelé qu'une relation intime avec Jésus-Christ nous procure la paix, une force et une assurance comparables à rien d'autre. Et si une tempête souffle présentement dans votre vie, permettez-lui de vous inciter à rechercher le Seigneur. Pourquoi devrions-nous rechercher la face du Seigneur et tenter de comprendre ses voies plutôt que de chercher à obtenir des choses de lui? En lisant l'histoire du peuple d'Israël, nous sommes témoins d'un cycle qui se répète très souvent. Le Seigneur bénit Israël et le peuple connaît une période de prospérité. Emporté par l'orgueil et la suffisance, Israël se détourne de son Dieu et sombre souvent dans l'idolâtrie. L'Éternel, déçu et furieux, abandonne son peuple et ce dernier se retrouve attaqué et persécuté par un ennemi. Le peuple crie alors à Dieu qui répond et le délivre. Israël connaît une autre période de prospérité et ainsi de suite. Avant de juger Israël, demandons-nous si nos prières ne se font pas plus nombreuses et plus pressantes quand les choses vont mal. De plus, si nous cherchons à obtenir des choses de Dieu sans le connaître, les désirs capricieux et parfois contradictoires de notre nature charnelle nous feront quémander de mauvaises choses. Elles pourraient entraîner des difficultés dans nos relations avec les autres. Or, le fait de bien connaître Dieu nous rassurera de son amour pour nous. Et la certitude d'être aimé d'un amour que rien ne pourra compromettre, pas même la mort, est la plus précieuse des choses. Dieu nous a promis qu'il protégerait ceux et celles qui l'aiment et qui s'engagent à lui obéir, comme il est écrit dans le psaume 37 au verset 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue « En contact » qui reprend ces enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.